Ici Christian, François et Stéphane d'Objectif Numérique. Vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi 27 février 2013 et vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour, ici Alexis Cornelier, vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir, votre émission Bring Your Own Question. Nous fournissons les réponses et pour le trouble que vous vous donnez à avoir du trouble, on vous donne des codes promotionnels gratuits. Avec moi ce soir à l'animation, si ce n'était que de lui, il n'y aurait plus de régie publicitaire sur Mac Québec. Vincent Miller, co-animateur de ce podcast, est avec moi ce soir. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien. J'aimerais ça trouver un autre moyen de faire de l'argent. Ça serait pratique que les pubs là, parce que je trouve que dire à notre monde qui va sur notre site que ils vont attraper des logiciels malveillants, c'est pas super payant. J'explique-tu le problème un peu? Oui. Ok. Donc le problème c'était en fait la régie publicitaire, on a des scripts de la régie de publicité pour faire apparaître nos publicités sur le site. Par contre, par le script, ils ont eu des codes malicieux de leur côté qui ont infecté notre régie de publicité. Puis ben là ça a frappé sur tous les sites. Je pense presque 40 sites là au total qui étaient frappés. Donc il y a le Globe qui a été frappé, Pélep, petit gamin, a été frappé probablement pas très longtemps. Gabroy, Poc TV, j'imagine. Geekbécois aussi, je pense. Geekbécois, Dominique Arpin ont été touchés. Fait que ça fait quand même pas mal de gros sites là. Mais je pense qu'on a été touchés les plus longtemps. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'on a réagi plus vite que les autres. On freak à chaque fois qu'on a un problème. Fait qu'on a réagi plus vite que les autres plutôt que d'attendre l'espèce de procédure que eux autres nous ont proposé. On a essayé de se déconnecter de leur truc le plus rapidement possible puis de faire nous-mêmes les demandes à Google. Mais eux autres, ils ont comme leur entrée chez Google. Fait que voilà. Fait que, c'est ça. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y avait pas de code malicieux qui vous attaquait là. Dans le premier 12 heures peut-être, mais bon... il y a personne qui a rapporté de problème. Puis c'est ça, après ça, c'était le 2-3 jours par la suite, c'était juste fallait attendre Google qui refasse la vérification sur notre site pour dire que tout était OK. Oui, c'est vrai, Hollywood PQ aussi avait des problèmes. C'est chiant la journée après les Oscars. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est plate en tabarouette, là, gros articles qui sortent là, de bitchage de robe puis de tout le kit là. C'est sûr. Vous entendez présentement la voix. Il n'y aura jamais l'idée de nous faire écouter Radio X. Il n'y aura jamais plus l'idée de nous faire écouter Radio X en revenant de Québec. Jean-François Roy est avec nous. Jean-François, tu peux nous raconter cette anecdote morbide? Dégueulasse. Ça n'avait pas de propos. C'était l'enfer. On revenait du WAC, moi et Alexis, en voiture. Et... on dit, on va se mettre, on est à Québec, proposé, on va écouter Radio proposé, X. On se met-tu un petit peu de radio poubelle? Fait que là, il y a une pause publicitaire et quand ils sont revenus de la pause, ils ont fait jouer l'appel du 911 de la mère qui s'est faite poignarder par son fils, qu'on voit dans les médias de ce temps-ci. Mais ils n'ont pas averti personne, t'sais, ils n'ont pas dit certains mots peuvent... offenser certaines personnes, toute la patente. Ils nous partent ça, mais carré, là, dans la face, là. Là, moi, j'étais avec Alexis dans le champ, genre, mon Dieu, ça se peut pas. C'était dégueulasse. Ils se forcent pour pas qu'on les aime, hein, ça finalement. Se peut pas. Parce que chaque fois que je les écoute, je me dis, OK, ouais, c'est pour ça que je les écoutais pas. Même Alexis a appelé, là. J'ai trouvé le numéro sur Internet, là, de Radio X. J'ai appelé pour me plaindre. Okay. Je me suis pas plaint en onde, évidemment. Là. Je voulais pas que, tu sais, on cause la controverse si on nous empêche d'exercer notre droit de parole, ouais, liberté. C'était assez dégueulasse. Merci Radio X. Et merci de me rappeler de ne pas l'écouter à Montréal. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Je voulais attirer l'attention au cours des deux prochaines semaines. Il y a d'entre nous qui a décidé de vaillamment, courageusement se sacrifier. Il a reçu hier soir de la part de Rogers son Galaxy S3. C'est Jean-Michel Boily. pas de partisanerie. Donc, il a reçu, c'est un téléphone qui nous est prêté par Rogers, et Jean-Michel a dit, tiens, je vais me sacrifier et je vais essayer pendant les deux prochaines semaines de ne fonctionner qu'avec le téléphone Android qu'on m'a prêté, qui est un petit peu l'équivalent, là, qui est un bon compétiteur au iPhone. Donc, il va nous tenir au courant. Je sais pas de quelle façon il va faire ça, s'il va écrire un article par jour pour sacrer ou s'il va faire autre chose. Ben, regarde, tu viens de le dire, il va faire un article par jour. Fait que là, on l'oblige à écrire un article par jour. Non, mais peut-être qu'il va dire, regarde, j'ai une vie aussi, puis il va écrire un article peut-être aux 2-3 jours, t'sais, essayer de ramasser en fait des anecdotes, puis dire... ben, il y a ça qui a eu tel problème, puis ça qui a eu tel problème, mais j'aime bien telle idée, puis telle idée, puis telle idée, puis bon. Et comme il dit, le mot-clé dans tout ça, c'est essayer. Et d'après moi, il va avoir le téléphone, l'iPhone, pas loin, là, tu sais, à un moment donné, il se dit, je vais le garocher au bout de mes bras, parce qu'il faut le retourner, le téléphone. On essaye aussi d'avoir un Z10, mais on est sur... On est sur une liste d'attente. D'après moi, le technophile va avoir ça avant nous, un Z10. Il risque de l'essayer. Mm-hmm. Vincent, tu veux-tu nous parler un peu de MacVol? Oui, mais MacVol, c'est un projet que j'ai parti c'était le 26 décembre, juste après Noël. Puis en fait, MacVol, ce que c'est un projet pour vous inscrire. Donc, vous inscrivez vos produits à Apple. Donc, votre Mac, votre iPhone, votre iPod. C'est très simple. Vous allez sur macvol.ca/participer. Puis vous participez au projet. Donc, vous inscrivez vos informations pour vous contacter, nom, puis numéro de téléphone et tout. Le numéro de série de l'appareil. Puis, vous pouvez aussi acheter une photo de l'appareil ou une description où vous l'avez acheté, par exemple. Puis même une fonction si vous voulez enregistrer la facture aussi. Donc, ça vous permet d'enregistrer ailleurs une copie de la facture. Mais c'est facultatif, là. Ça, c'est pas obligatoire. On a juste besoin du numéro de série puis comment vous contacter. Puis ce qui est pratique avec ça, c'est que une fois que vous nous avez envoyé ça, la copie est faite sur un serveur privé sécurisé qui va être disponible par différents corps de policiers à travers le Québec. Donc, vous inscrivez, puis c'est ça. Si votre appareil se fait voler et l'appareil est retrouvé par la police, souvent, en fait, on a reçu beaucoup de retours de corps policiers disant que souvent, ils sont pris avec des appareils qui ont été effacés, qui ont été repartis pour se vendre, puis qui ont été retrouvés chez un voleur ou quelqu'un qui a 30, 40 appareils de voler. Par contre, ils peuvent pas vraiment retrouver la trace, puis Apple aide pas vraiment dans ces cas-là. Fait que, effectivement. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ils ont même pas de système pour enregistrer disant que tu t'es fait voler ou pas l'appareil. Fait que MacVol, c'est un peu, ça sert à ça. On a déjà quelques centaines de personnes d'inscrits. Fait que, si vous voulez vous inscrire, allez-y. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aussi directement, là, sans problème, par le site Internet, ou par MacQuébec, sans problème. Excellent. Pour ma part, je tiens à vous rappeler qu'on cherche toujours un commanditaire pour 3 ordinateurs PC pour faire des machines Skype. Et par le fait même, en fait, ben, on essaie toujours d'améliorer la qualité du podcast. Et on a des gens qui ont répondu à notre appel de deux vaillants bonhommes qui m'ont contacté. Je parle de Patrice Guillemette et de Jean-Marc Lorrain-Pelletier qui sont avec nous dans la chatroom en ce moment et qui veillent au grain à ce qu'on soit proche de notre micro, qu'on enregistre bien les tracks. Bienvenue les gars dans la petite famille de MacQuébec. Et ils vont maintenant être connus sous le nom de MacQuébec Elite Team AV Extreme ou la Meta VX. Je viens juste d'inventer ça. Ah. Il fallait que, tu sais, comme un T-shirt avec Meta VX en arrière, ce serait cool. Oui, c'est ça. On va leur faire fabriquer ça. Ouais, voilà. Les amateurs de Mac, bonsoir, répondent à vos questions en direct, mais en cas de panne de questions, nous nous inspirons aussi des questions posées sur macquebecentraide.com, un mélange 2.0 de forums et de médias sociaux. Vous pouvez poser vos questions et où Serge Tanguay, Vincent Miller et Jean-Michel Boily et beaucoup d'autres tâcheront d'y répondre. Donc, si vous avez des questions et qu'on n'est pas en train de diffuser, ben, vous pouvez aller sur Mac Québec Entraide, nous les poser, ces questions. Et cette semaine, Vanna White, est-ce qu'on a des applications à donner ou on est à sec? Vanna White. Non. En fait, on a deux applications cette semaine. La première, c'est Office Time. On a deux codes promo à donner. Office Time, c'est un time tracking là, qui permet de contrôler votre temps puis de contrôler l'argent que vous mettez avec l'effort que vous mettez. J'ai pas essayé l'application, mais j'imagine qu'on va faire un test très bientôt. C'est disponible sur Mac, sur iPhone, iPad. Par contre, le code est pour iPhone et iPad. Et on a aussi Stint, qui est semblable aussi, qui permet de justement contrôler le temps puis calculer le temps accordé pour des clients, par exemple. Donc, moi, je travaille sur une application, puis je travaille, je sais pas moi, 20 heures sur une application. Je peux contrôler le temps que j'offre à ce client-là pour travailler, puis je peux aussi contrôler... Comptabiliser, en fait, ce temps-là. Comptabiliser et aussi contrôler au niveau des factures pour avec ce temps-là. Là. Donc, ça aussi, ça va être à essayer. Là. J'ai bien hâte. Excellent. On commence avec les questions qu'on a en banque. Il y a M. Guillemette qui nous a posé une question. J'ai parfois l'impression que mon MacBook Pro fin 2011 sur OS X 10.8.2 est lent sans raison. À part lancer la commande top en ligne de commande, tout est normal de ce côté. Je ne sais pas où regarder. Avez-vous une idée? C'est une bonne question. En fait, la commande top fait un peu ce que l'application Activity Monitor fait. Mais c'est dans le terminal, cette commande-là. Ce qu'on a essayé de, le usual suspect, réparer les permissions, faire une réparation du disque pour vérifier si c'est pas ça qui ralentirait. Comme dirait The Hi-T Crowd, have you tried to turn it off and on again? Évidemment, ça peut toujours aider. Sinon, en fait, c'est pas mal de ce côté-là que je regarderais. C'est vrai qu'aussi, il y a Raymond, ouais. Raymond Pelletier dans le chat qui dit si FileVault est activé, on sait que FileVault est un système de chiffrement sur OS X. C'est vrai que ça ralentit beaucoup la machine. Moins sur 10.8, par contre, ouais, avant, là. Le chiffrement est mieux exécuté maintenant sur 10.8 qu'avant. La machine fin 2011, c'est une machine qui normalement a tout ce qu'il faut là, pour rouler 10.8.2. Moi, je serais curieux de savoir combien il y a de mémoire dans cet appareil-là. Souvent, je sais pas, j'ai comme l'impression que 10.8 est un peu tight à 4 gigs et que à 8 gigs, il est comme un petit peu plus à l'aise là, si on a tendance à ouvrir un paquet d'applications en même temps et tout ça. J'avais un MacBook Pro 13 pouces 2010 la dernière fois. Oui. Puis mon ancien appareil, puis il y avait 4 gigs de mémoire. Quand je reformatais l'appareil au complet, puis je repartais à zéro, ça allait très vite, mais assez rapidement, je le voyais qui commençait à ralentir dépendant c'est des. C'est comme Windows, quand tu l'installes, il va, c'était carrément, il va super vite, puis genre 3-4 semaines après, attaque, le partisanerie. De quoi ça? Windows. J'ai dit, c'est comme quand tu installes Windows. Au début, c'était carrément, il va super vite, 3-4 semaines après, c'est vraiment, il va super lent, mon ordi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais, 3-4 semaines plus tard. Voilà, j'espère que ça va donner des idées. Il nous dit dans la chatroom qu'il y a 4 gigs dans sa machine. Je l'upgraderai probablement à 8 gigs. Ouais. C'est pas très cher. Si tu vas regarder dans un premier temps sur canadaram.com, tu devrais facilement trouver la référence pour ta mémoire. Et après ça, tu passes ça dans shopbot.ca qui va te donner en fait les endroits où la mémoire va être vendue la moins chère dans un paquet de de boutiques en ligne canadiennes pour la plupart. Donc, il y en a deux, trois américaines là-dedans, là, mais tu ne payes pas de frais de douane. Il y a NCIX, entre autres, là, dans ça, mais il y a Tiger Direct, il y en a plein d'autres. PC Canada qui fait des bons prix aussi. Oui, parce que c'est, ça ne vaut absolument rien d'aller vers Apple. Moi, j'ai fait l'erreur. La première fois, j'ai eu un Mac, donc j'ai pas voulu prendre de chance. Là. J'avais 2 gigs, j'ai monté à 4, mais c'est vrai T'as payé avec Apple? Oui, ben ça... J'avais des rabais étudiants, fait que je l'ai mis en même temps, mais ouais. Sur un Retina Display, malheureusement, c'est pas possible d'upgrader la mémoire actuellement. C'est soudé sur le board, c'est un peu comme un iPad, donc j'ai l'impression que Apple s'en va de plus en plus vers ça. Là. Le MacBook Pro normal, je suis pas sûr que c'est là pour rester excessivement longtemps. Donc Moi, j'ai le même MacBook Pro que un petit blanc là, que Patrice. J'ai le MacBook Pro fin 2011. Et okay. Moi, j'ai mis 16 gigs dedans. Parce qu'on sait qu'on peut changer la puissance à partir du fin 2011. On peut changer la puissance de la carte mémoire pour du 1300, je pense, quelque chose de même. Puis j'ai 1300 MHz? Ouais, la fréquence que la carte passe. J'ai vraiment mis 16 gigs dedans. Je me suis pas cassé la tête. Je dis merci beaucoup. Ça m'a coûté genre 90$, je pense, ou 100$. J'ai vu passer quelques temps que le prix de la mémoire augmenterait dans pas très long parce que les compagnies commencent à... Tu sais, il n'y a plus d'argent qui rentre. D'avoir leur claque de ne pas faire d'argent. Ben, c'est ça, l'argent ne rentre plus. Fait qu'ils ont décidé que, ah ouais, on commence à ne plus en fournir, puis bon, le prix va augmenter par lui-même. C'est normal aussi. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que ça te donne des pistes, Patrick. Pour les gens qui voudraient nous poser des questions, juste en dessous de nous, il y a le bouton, juste en dessous de moi, en fait, il y a le bouton « Submit question ». Vous cliquez dessus, vous mettez votre question et nous, en fait, ils se mettent dans une petite interface et ça nous permet de les ajouter en ligne. Deuxième question de notre ami Patrick Ducharme, qui en a toujours des bonnes, il essaie toujours de nous coincer. Que pensez-vous de HTC qui va offrir un migrateur complet de iPhone à HTC One? Contact, mail, SMS, musique et vidéo. C'est le genre d'outil habituellement que... Apple a changé 3-4 virgules, j'imagine, dans son logiciel pour que ça arrête de fonctionner. Donc, je ne sais pas si ça va être vraiment quelque chose de facile à utiliser. Donc, tu lances l'application, tu sais, au combien de jours elle va devoir se mettre à jour? C'est sûr que tu le fais juste une fois, tu sais, bon. Je ne sais pas si... Ça va être si hot que ça. C'est sûr que pour les SMS, c'est le fun parce qu'il y a comme pas vraiment de moyen de les sortir du téléphone. Contact et mail, ben si tu passes, tu sais, si t'es avec Android d'un côté avec le HTC, t'es synchronisé avec ton ordinateur sur un compte Google puis t'es correct. Là. Non, sûrement pas les iMessage aussi. Là, c'est comme, Bernard nous rappelle ça effectivement dans le chat. Parce que même j'avais déjà essayé un moment donné, j'avais fucké mon téléphone, j'avais reformaté mon téléphone, genre fuck mes SMS, tu sais. Fait que là, j'avais pris mon ancien backup, j'avais ouvert mon backup, j'avais été chercher la base de données des SMS, puis je l'ai remis à la même place, puis ça n'a jamais revenu. Là, fait que c'est comme. OK. Ben. Patrick dit qu'il imagine qu'ils vont updater l'application à chaque fois que Apple va changer quelque chose, probablement, mais il risque d'avoir un lag de 2-3 jours, tu sais, juste le temps qu'ils trouvent la bonne recette, puis où est-ce qu'ils ont fait le changement. Et pendant ce 2-3 jours-là, j'ai l'impression que si ça fonctionne pas pour l'utilisateur, il va comme laisser faire, puis ça va être un petit peu décourageant, mais bon, je peux me tromper aussi, là, tu sais. Peut-être que les données sont facilement atteignables, qu'ils sont capables d'aller le chercher. Anecdote. Vas-y. Le nouveau HTC One va être offert avec Android 4.1.2. À la place de? 4.2.2. OK. Ils sont en temps de une version quand ils vont le donner aux clients qui vont l'acheter. J'ai vu ça passer aujourd'hui. Et ils vont-tu pouvoir faire une mise à jour ou... Ben, pas encore. Ça va être tout dépendant. Quand HTC va... C'est ça. Quand HTC va décider. Moi, je t'achoute, mais pour l'instant, c'est... Certains produits qui veulent juste pas les mettre à jour. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le but. Hein. C'est toujours ce qu'on explique, en fait. C'est quand tu as le contrôle de ton appareil et du logiciel qu'il y a dessus. Bon, un peu comme BlackBerry... Un peu aussi comme Windows Phone, qui ont un partenariat qui est très, très serré avec Nokia. Ben à ce moment-là, t'es sûr d'avoir le bon logiciel dessus. Quoique Windows a joué un cul, là, le Lumia 920 qui roule la version Windows 8, ben ceux d'avant, en fait, le 820 ne le roule pas. Donc, c'est un peu dommage. Alors que Apple propose un nouveau téléphone par année, mais au moins supporte 3 ans en arrière au niveau du système d'exploitation. Voilà. On a une question de Nelson Gagné. Alors, je vais la mettre en ligne. Mm-hmm. Je me suis acheté un disque dur Time Machine, mais il est toujours plein. Quoi faire? Si je me trompe pas, en fait, dans la programmation de Time Machine, il y a moyen de dire d'enlever les vieilles, les plus vieux backups. Il est supposé le faire tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de discriminer des dossiers du backup. Donc, il y a certains dossiers qui sont comme pas nécessaires. Le premier, moi, que je discriminerais, ce serait probablement le dossier... téléchargement. Microsoft. Oui, téléchargement, effectivement, parce qu'il se remplit assez vite. Le deuxième serait probablement le dossier que Microsoft crée si vous installez Office dans le dossier Documents, qui est Microsoft Identity Data ou quelque chose comme ça. Par exemple, il y en a certains qui pourraient utiliser Outlook. Et Outlook, c'est une grosse base de données qui, à chaque fois que vous recevez un nouveau email, grossit. Et quand Time Machine passe dessus, ben lui, il voit un nouveau fichier. Donc, il re-backup l'entièreté de la base de données parce qu'il pense que c'est un nouveau fichier. Donc, ça ralentit beaucoup, beaucoup Time Machine. Donc, ça serait à discriminer comme dossier. Après ça, ben votre dossier application, parce que honnêtement, si vous réinstallez le backup de Time Machine, moi, je suggérerais de réinstaller les applications par après, là, vos applications à vous. Là, c'est une bonne idée de discriminer l'application? Non, parce qu'il y a des applications que tu as besoin. Ouais, faudrait que tu réinstalles le système clean, puis après ça, que tu y dises importe le Time Machine dans ce système-là. C'est ça. Peu plus long. Ouais, c'est un peu plus long de passer par là. Excellent. J'espère que ça répond à ta question, Nelson. Faut savoir, en fait, que le backup Time Machine, le disque dur externe qu'on a doit être, en tout cas, moi, je suggère toujours qu'il soit égal ou plus gros au disque interne de l'ordinateur. Et à ce moment-là, en fait, vous aurez pas de problème avec le backup Time Machine. Sinon, ben, il va être obligé de décider quelle partie il backup. Tu sais, tu as un disque de 1 Tera, mais ton backup est de 500 gigs. Il y a comme un 500 gigs qui va te manquer en quelque part, là, éventuellement. Voilà. Sinon, pas d'autres questions? Bon, on va aller du côté de Mac Québec Entraide. Notre première question, JF? Oui, vient de Daniel Bergeron, qui nous demande, comment désinstaller l'application Google Drive sur son macOS. Je te laisse y répondre. Ben moi, premièrement, j'utilise... pour le commun du mortel, vous fermez l'application premièrement. Et ensuite, vous prenez l'application qui est dans votre... ouais, c'est ça, on va chercher sur Google la réponse. On va dans l'application, dans le dossier application et on prend l'application Google Drive et on le met dans la poubelle et l'application se désinstalle, pas comme sur Windows, passer par le panneau de configuration. Et mais moi, j'utilise une autre application qui s'appelle Clean... Quoi? Ouais, il fait encore la comparaison à Windows, ben oui. Disant que Windows, c'est encore plus loin. Parce que je faisais encore comparaison. Avec Windows, que c'était plus long, qu'il fallait passer par les paramètres pour désinstaller et tout. Par contre, une affaire, c'est que l'application Google, elle est associée à un compte. Donc, la première chose à faire serait d'aller dans les préférences de Google Drive en cliquant sur l'icône et de dissocier le compte Google Drive de l'application, c'est-à-dire lui demander d'arrêter de fonctionner parce que sinon, il va avoir un daemon qui risque de rester accroché en quelque part. Donc, avant de jeter l'application au vidange, on déconnecte simplement comme ça en allant dans les préférences. Ouais, ben c'est ça. Pour finir, je disais que moi, j'utilise Clean My Mac. Mm-hmm. C'est une autre application, mais qui va chercher vraiment tous les fichiers que l'application crée quand elle s'installe sur le Mac. Toutes les playlists, toutes les préférences, va toutes les prendre et les jeter. Parce qu'il y a des fichiers, vous avez des dossiers que le commun du mortel ne connaît pas. Le application support, les librairies. Ouais, des fichiers playlists. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que beaucoup de. Beaucoup de fichiers qui peuvent se faufiler dans votre système et que vous ne le savez pas. Fait que c'est ça. Clean My Mac, ce n'est pas gratuit. Vous avez, je pense qu'il y a une version d'essai, par exemple. Je pense que c'est 7 ou 14. Là. Il y a AppDelete aussi qui existe, si je ne me trompe pas, qui ouais. Elle est pas loin d'être gratuite là, ou pas très chère. Oui. Qui est pas mal. Moi, j'utilise Hazel. Qui fait deux choses, en fait. Là, c'est un espèce de plumeau. Hazel permet, en fait, a une fonction de désinstallateur. Mm-hmm. Et sa deuxième fonction, c'est de pouvoir programmer des espèces d'actions entre dossiers. Donc, par exemple, tu programmes une action sur un dossier. Si dans ton dossier téléchargement vient, je sais pas, des dossiers .torrent, mettons, là, pour Linux, ben tu les prends puis tu les copies dans un autre dossier. Fait que c'est vraiment pour automatiser certaines tâches. Ça vient avec un paquet d'actions aussi, comme pour le bureau, pour essayer de le nettoyer un peu. Donc, il crée des dossiers texte, photo, vidéo, puis il copie automatiquement. Dès que quelque chose tombe sur le bureau, par exemple, un PDF, il le prend puis il le met dans le dossier texte pour pas que ça se remplisse trop vite. OK. C'est-tu gratuit, ça? Non, Hazel, c'est une quinzaine ou une vingtaine de dollars. C'est un excellent logiciel. Ça vaut la peine, selon moi. OK. On a une autre question qui vient de Mario Desbiens. Où puis-je aller dans la région de Laval, Laurentides, pour acheter et faire installer de la mémoire? J'ai un iMac 27 pouces qui manque de mémoire pour installer Mountain Lion. Ben, la première chose, en fait, c'est que y a deux façons. La première, en fait, c'est de prendre ton 27 pouces, de t'en aller dans une boutique. Avant toute chose, en fait, moi, je te suggérerais de d'appeler dans un endroit où tu as confiance puis de voir si eux ont la mémoire. Souvent, si ton ordinateur a peut-être 2-3 ans, peut-être que la vitesse de la mémoire a changé depuis sur les modèles les plus récents. Et la plupart des magasins ne tiendront pas des vieux modèles de mémoire. Ils vont tenir les mémoires actuelles. Donc, peut-être que tu vas être obligé de faire une commande. Donc, te déplacer une première fois en boutique pour montrer ton ordinateur, puis que là, ils décident, bon, ils regardent c'est quoi, ils font, OK, la référence, c'est ça, on va avoir la mémoire dans quelques jours. Souvent, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, peut-être de plutôt être proactif, toi, trouver la mémoire qu'il faut. Je parle souvent, en fait, de Canada RAM sur canadaram.com, qui est un site web qui permet facilement de trouver les références mémoire. Et pour ce faire, en fait, tu vas dans « À propos de ce Mac », et puis tu vas dans « Plus d'informations ». Les gens qui sont sur 10.8.2 peuvent aller dans « Rapport système ». Et puis dans « Rapport système », si tu cliques sur « Matériel », tu as l'identifiant de modèle de ton ordinateur. Donc, par exemple, moi, c'est un MacBook Pro 10.1. Pardon. Et sur Canada RAM, en fait, tu vas pouvoir aller dans la section et trouver exactement qu'est-ce que c'est. On nous parle aussi, Patrick Ducharme dans le chat nous rappelle qu'il y a Mac Tracker qui permet de le faire aussi. Mais sur Canada RAM, c'est parce qu'ils vont te donner directement le numéro de série de la pièce, soit la mémoire Kingston ou de la mémoire certifiée ou même de la mémoire Crucial, qui est une très bonne marque. Et j'aime beaucoup le slogan de Bernard. Quand ton ordi RAM va chez Canada RAM. On devrait les contacter pour qu'ils nous commanditent. Une fois que tu as ça, ben, en fait, soit que tu peux le commander sur Canadaram, puis là, tu la reçois chez toi, et là, tu peux l'amener à un magasin qui va te l'installer. Habituellement, de l'installation de mémoire en magasin va te coûter entre, je te dirais, là, 20 à 50 $. Vincent, tu te souviens-tu combien vous chargiez à ce magasin qui... Ça me dérange pas de le dire, Bureau en gros? Ouais. Trop cher. Comment ça, trop cher? Allez chez Future Shop, c'est moins cher, fait que... Bon. Ah bon? Ben oui, c'est vrai, mais ben, j'expliquerai pas en détail, mais oui, effectivement, c'est un peu trop cher. Mais c'est combien? Regardez. Combien vous chargiez? Pour changer quoi? La mémoire. Installer de la mémoire dans un ordi. Je sais pas, 40 $ peut-être? Ouais, c'est quand même pas mal. Entre 40 et 60, là, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas exactement c'est quoi. Sinon, en ajoutant le gaz, le trouble, tout ça, ben il y a possibilité de faire venir quelqu'un chez toi pour l'installer. Genre toi? Ouais, genre moi. Et comme je charge à l'heure, ben peut-être que tu as des questions aussi à poser sur ton ordinateur. Donc, je peux rester là et pas juste me déplacer pour... une installation de mémoire qui prend à peu près 5 à 10 minutes. Là. Ah oui. Voilà, c'est l'autre solution parce qu'un 27 pouces, quand même, c'est un peu imposant à transporter. La vitre, on voudrait pas faire d'accident. Non. Donc, la bonne voilà. Couverture. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à Laval-Laurentide, le seul magasin qui a directement une spécialisation en Macintosh, c'est vraiment le Apple Store. Il va falloir descendre à Montréal si on veut aller à une petite boutique, par exemple, comme la Coop Informatique de l'UQAM ou d'autres qui sont sur le territoire. À ma connaissance, en fait, il n'y a pas de magasin Mac avec un technicien certifié au nord du Apple Store sur la 440. Peut-être me tromper. Tu me dis la semaine passée qu'ils l'ont refait, hein? Là, il est fini, là, il est terminé, l'Apple Store à Laval? Effectivement, en fait, pendant un bout de temps, il avait déménagé, puis c'est drôle parce que pendant le lancement, je pense, du iPad mini, il était dans une autre boutique, c'était tout petit, tout ça. En tout cas, il manquait plein de produits. Okay. Et ils l'ont agrandi. Je pense qu'ils ont acheté la boutique à côté du Apple Store et c'est vraiment plus gros. Ils ont ajouté des tables aussi pour. Il y a un paquet de nouveaux périphériques qui sortent pour le iPad, pour, par exemple, des DJ avec des tables tournantes. T'as comme un faux disque pour faire du scratch, puis tout ça, puis tous les boutons. Donc, ils ont des postes d'essai pour ça. Pis je pense qu'ils font même de la formation sur ces appareils-là dans le fond du magasin. Donc, ça c'est quand même assez intéressant. Puis, il est très, très gros. Bon. On me demande si l'Apple Store du Mal-Champlain est ouvert finalement. Pas encore. On pense que ça va être au Mal-Champlain pour différentes raisons. Jean-Michel Boilly. Ou peut-être au 10-30. Oui, bien, Jean-Michel Boilly nous dit que ça va être au 10-30, mais au 10-30, il y a déjà micro-boutique. Puis, il y a déjà micro-boutique qui est là-bas et ils vont être en mauvais terme s'ils sont obligés d'avoir deux boutiques à Apple au 10-30. Là, ça risque d'être... Il n'y a pas juste ça. Micro-boutique, c'est... Ceux qui ont déjà été là, sortir du 10-30 à 5 heures le soir, là, la fin de semaine, là, c'est pas sortable. Là. Je veux dire, en voiture, là, ça prend, c'est extrêmement long là, tellement que c'est fait. Ça a été mal pensé pour les voitures. Alors... je ne mettrais pas un Apple Store au 10-30 tellement qu'il y a de l'achalandage, je pense, avec les voitures. Fait que, le Apple Store a tendance à attirer beaucoup, beaucoup de monde, mais moi, je suis allé plusieurs fois, à plusieurs heures de la journée, à la boutique, à la micro-boutique du 10-30, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas plein, mais souvent, bon, ils n'ont pas les machines en stock, tout ça, là, fait que... c'est vraiment... c'est un concept un peu bizarre. Je comprends pas comment ils peuvent... continuer à fabriquer ce genre de trucs-là. Tu sais, quand tu vas magasiner dans un centre commercial, le concept, c'est que tu rentres à une place puis tu as un toit tout le long de ton truc. Quand tu vas au 10-30, tu es obligé de sortir et prendre ta voiture tellement l'autre magasin est loin. C'est pas avantageux. Non. Donc, je suis pas sûr que c'est une super bonne idée qu'Apple s'en aille là, mais on nous dit qu'ils ont un permis pour... Il y a une demande de permis qui a été faite par Apple pour le 10-30. Je sais pas, j'ai pas vu la nouvelle passer nécessairement. Mais sinon, en fait, je pensais que le Mall Champlain qui appartient à Cadillac Fairview, qui est la même compagnie qui a le Centre Laval, les Fairview Pointe-Claire, où il y a déjà des magasins à Apple, allait comme... Puis je pense qu'ils ont fait beaucoup de rénovations dans le Mall Champlain, puis ils veulent comme redorer le blason de la place. Mm-hmm. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Fait que, en fait, c'est ce qu'on pensait, mais il semble avoir d'autres signes qui montrent. Ben, en fait, il y a des offres de job à Brossard en ce moment sur le site d'Apple. Fait que, tu sais, Brossard. Puis il y a aussi des jobs à Trois-Rivières. C'est vrai? Ben oui, on a vu ça la dernière fois. Oui, pour Apple. Oh. Il y a un nouveau complexe qui est en train de se créer. Puis, encore là, c'est une rumeur, mais Marc-Antoine Bertillon de l'équipe de Mac-Québec a remarqué justement justement ces demandes-là, ces emplois-là à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est proche de l'autoroute. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un complexe où il devrait y avoir même un Simons. Walmart. Ici. Non, il n'y a rien en ce moment dans ce coin-là. Okay. Je ne sais pas pourquoi ce serait là, mais il y aurait un Apple Store, un Simons et tout. Oui, près du pont de Trois-Rivières. Ouais, c'est plus loin que le pont. Oui, parce que du pont, il y a le Costco et il y a le Walmart. Parce que quand tu viens de Montréal, tu as une autre autoroute à prendre pour aller à Québec. Oui, la 40. Mais c'est dans ces... Oui, c'est ça. Puis... Tu peux juste débarquer ici, tu peux débarquer entre les deux autoroutes puis aller à cet endroit-là, mais c'est quand même assez loin des rivières, qui est le centre d'achat à Trois-Rivières et tout. Peut-être sur les forges, on sait pas. En tout cas. Ouais. En tout cas, on commencera pas à dire les rues de la ville au complet. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même des demandes de job qui sont faites, des offres d'emploi qui sont faites pour Apple à Trois-Rivières. Ça nous laisse penser qu'il y a peut-être un nouveau magasin qui s'en vient. Ce serait intéressant. Ouais, ça ferait. Ça libérerait celui de Sainte-Catherine, en tout cas. Ben, on serait peut-être pas obligé de descendre jusqu'à Québec là, si on va aller chercher un ordinateur dans le nord. Exactement. On les salue. On a une question dans le chat. J'ai 4G sur mon iMac, donc probablement 4 gigs de mémoire. Est-ce que ça vaut la peine de l'augmenter? Ça dépend du système d'exploitation qu'on a sur la machine, mais comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve que 10.8 Mountain Lion est un petit peu serré avec 4 gigs là, si on veut vraiment, parce qu'on a tendance à ouvrir beaucoup d'applications et tout dépendant comment votre ordinateur est configuré, quand on le redémarre, souvent il va rouvrir un paquet d'applications. Il y a une fonctionnalité qui permet ça. Je sais pas pour vous les gars, mais moi c'est le premier truc que je ferme quand je réinstalle une machine. Il est pas activé, moi je me sers pas là de ça. Attends, le quoi que tu parles? Le truc qui fait que quand tu redémarres toutes tes fenêtres, toutes les applications dans lesquelles tu étais, se rallument. Oui, c'est ça. Parce que j'en ouvre tellement, quand je ferme l'ordinateur, s'il se rallume tout, là, j'en ai pour longtemps. Ouais, puis moi, ce que je fais, c'est quand j'ai une icône à garder, là, comme un to-do list des fois, je fais juste m'envoie dans mon icône, dans mon doc, je clique souris droite, dans options, puis je clique sur ouvrir avec la session. Puis j'y vais manuellement, là, parce que sinon... C'est fait, en fait, pour faire comme si c'était magique, que tu installes une patch, il te demande de redémarrer ton ordinateur, puis quand tu reviens, tu es exactement où est-ce que tu étais, mais ça demande tellement de ressources à l'ordinateur que même avec un SSD, c'est comme ça sert absolument à rien. Voilà. J'ai une question, moi. OK. Vous savez, dans la fonction sur iOS, c'est la fonction qu'on peut marquer, mettons, trois lettres et ça écrit une phrase au complet? Ben, les raccourcis du clavier, merci. Ouais. Est-ce que ça existe sur Mac? Oui, bonne question. En fait, la semaine passée, on a parlé d'un bundle dans lequel texte... Attends une seconde, je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. C'est TextMate, je crois. Bernard saura me le dire dans le chat. Mais c'est une application qui permet, un peu comme sur le téléphone, de programmer des snippets de texte, des morceaux de texte que tu fais apparaître simplement avec un point-virgule EML. Ça écrit ton email, ça rajoute ta signature. Donc, tu peux te programmer des trucs comme ça. Les programmeurs utilisent beaucoup, beaucoup ça pour avoir des fonctions qu'ils utilisent souvent, qui rappellent. Donc, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est TextMate ou l'application Bernard qui avait dans le bundle Lifehacker il y a quelques jours de ça. Le bundle, je pense, qui est encore actif. Là. Ben, parlant de bundle, tu voulais pas parler d'un truc? Attends un peu. C'est Bernard d'ailleurs qui nous l'a proposé. Oui, j'ai vu ça passer aujourd'hui. C'est encore un bundle de Lifehacker. C'est. Choisissez parmi 10 applications et ça vous coûte $49.99. Vous avez 1, 2, 3, 18. C'est bien ouais, ça, vous là, avez vraiment. 18 applications qui vous êtes offertes. Vous en choisissez 10 parmi ces 18 applications-là. Et, quand même. Oui, c'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça bien parce qu'ils innovent hein, avec leur bundle. Parce qu'on sait que les bundles. C'est pas 30 applications qu'ils offrent. 1, 2, 3. Ben, moi, j'en compte 18 là. Mm-hmm. 6 fois 5. Hein? Fait que. Ok. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Faut qu'ils innovent quand même avec leur bundle parce qu'on sait que, comme le dernier. C'est quoi là, le dernier qu'on a acheté là? Ben pas le dernier, mais celui qu'on a joué avec les petits jeux le soir là. Le Mac East. Ouais. Ça a été un flop monumental là. C'était pas terrible, effectivement. Il y avait vraiment pas d'application intéressante là-dedans. Bernard l'a trouvé, en fait, l'application que tu cherchais, c'est Text Expander, mais ça vaut quand même 40 quelques dollars. C'est pour ça, moi, je ne l'avais pas, cette application-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté le bundle, parce que bon, il y avait Dropzone dedans, il y avait Text Expander, il y avait 2-3 autres applications qui m'intéressaient. Dans le bundle actuel dont on parle, là, qui choisit tes 10 applications pour $49.99, il y a Rapid Weaver qui vaut quand même $80 là-dedans. Il y a Courrier, il y a DevonThink, entre autres. Il y a Flux, qui est une application qui vaut $144.99, mais qui est un outil de design visuel. Il y a des trucs assez intéressants. Boom. Boom, ouais, mais Boom, c'est $6.99. Ça vaut pas très cher nécessairement. Donc, il y en a Awaken, qui est une application là, pour transformer votre ordinateur en réveil matin. Il y a Hype, je sais pas si tu l'as dit. Non, c'est quoi? Tu connais Hype? Je connais un peu. C'est pour de l'HTML5, donc tu peux créer du contenu HTML5, cool. De l'animation et tout. Excellent. C'est assez WYSIWYG comme interface, là. Ben, c'est un comme tu l'as dit, GF, c'est un concept qui est assez intéressant de offrir en fait une quantité d'applications et de laisser les gens choisir à l'intérieur. Souvent le problème avec les bundles, c'est ça, c'est qu'on arrive pour l'acheter puis on fait ouais, j'ai 3 applications qui m'intéressent, j'en ai une dans ceux-là, c'est sûr. Bon, fait souvent on va te les vendre en te disant hey, chaque application te revient à 5$, mais dans le fond, comme il y en a 2-3 que tu veux, ben t'es payé 15, 20, 25$ chacune, tu sais. Mais il y a aussi un Blu-ray player. Oui, c'est le qui meilleur, lui vaut une cinquantaine de dollars. C'est le meilleur 60$. Blu-ray player pour Mac. Ah ouais? Ouais. C'est the best. C'est the Blu-ray player. Là. Je l'ai, là. Ah. Puis c'est le meilleur parce que c'est ça. OK. Parce que c'est le meilleur. Excellent. On a une autre question? J'aime ça les questions, c'est le fun. On a une question de Michel. J'aimerais savoir, dans le trousseau de clés dans le Mac, il y a des certificats qui sont expirés. Quoi faire avec cela? Ben, les effacer. Les effacer, tout court. C'est pas nécessaire. En fait, ça prend pas de place. Tu n'es pas obligé de les effacer. Si tu vois que ça cause pas de problème, joue pas avec le keychain. Une des premières choses que tu pourrais faire, c'est peut-être en faire un backup au cas où. Ouais, c'est très simple. Mais ça, hein? C'est très simple, tu fais souris de droite, puis tu peux aussi faire exporter chaque certificat si tu voulais, là, oui. Quelque part d'autre. Donc, ça peut être effacé, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est voilà. Ça prend rien. Puis il faut, faire attention aussi parce que il y a différents certificats pour se connecter par Wi-Fi avec votre réseau, par exemple, oui. Avec vos mots de passe. Donc peut-être si vous effacez pas les bons fichiers, là, vous allez effacer vos mots de passe. Hein. Mais c'est pas, vous pouvez juste les réactiver par la suite, là. C'est pas très compliqué non plus. Voilà. Sinon, question de David Noël qui nous demande sur Mac Québec Entraide. Je désire m'acheter un iPad. J'hésite entre le modèle Retina et le iPad 2. Quels sont les avantages de payer 100$ pour le Retina? Et faites la réponse qu'on va vous donner, c'est celle de Jean-Michel Boily, rédacteur de Mac Québec. En fait, les avantages du iPad 2, c'est qu'il fonctionne avec les accessoires et les câbles dock connector, donc qu'on voit de moins en moins quand même sur le marché, mais les périphériques qui sont encore dock connector sont soldés. Donc ça peut être intéressant si on cherche une solution vraiment moins chère. Et il est moins cher évidemment que le iPad avec écran Retina. Par contre, bon, la problématique, c'est qu'il risque, c'est un appareil de deux générations en arrière, qui risque d'être abandonné plus rapidement. En fait, son obsolescence programmée risque d'arriver quand même vite. Parce qu'elle a commencé déjà avec Siri, tu peux pas utiliser. Effectivement. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, en fait, c'est con parce que la puissance de l'appareil est à peu près, c'est exactement pareil que le iPad mini. Ouais. Puis dans le iPad ouais. mini, Siri est là. Oui, mais ça, c'est un choix. Le produit vient de sortir, j'espère ouais, qu'il... Ouais, c'est ça. C'est un feature. C'est ça. C'est cave. Ça, c'est cave. Ouais, mais en tout cas, Siri... Ou sinon, peut-être regarder sur dans des magasins qui vendent encore l'iPad Retina, mais pas la dernière version avec le dock connector. L'autre version, ils doivent le vendre moins cher aussi. Donc, le 3? Le 3. Le 3, pas 3, le nouveau. Le 3.5. Ouais, le nouveau iPad. Sinon, en fait, les avantages de passer au iPad Retina, c'est un processeur plus rapide et mémoire vive plus grande, mieux adapté aux jeux 3D, par exemple. Puis dans ce cas-là, le iPad, ce qu'on appelle le iPad 3, le troisième à être sorti, donc, serait moins efficace que le iPad 4, mais serait aussi moins efficace que le iPad 2. Parce que l'engin vidéo à l'intérieur du iPad 3 était juste correct pour faire rouler l'écran Retina, mais manquait un petit peu de puissance pour faire rouler des jeux 3D sur l'écran Retina. Ah, yes. Ouais, t'avais un effet un petit peu plus pas de lag, mais un espèce d'effet tranquille là, sur l'iPad. J'ai pas le terme, mais ouais. Ben de lag, là. C'était un moins haut frame rate par seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. L'écran est évidemment de meilleure résolution que le iPad 2, mais est exactement pareil que celle du iPad 3. Il permet d'utiliser Siri et les fonctionnalités avancées de Maps. Il y a beaucoup de monde qui chiale contre Maps. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec. Quand je rentre une adresse, j'utilise tout le temps Maps. Quand je cherche un point d'intérêt, c'est sûr que la base de données de Google est plus efficace. Donc, quand on veut, par exemple, chercher, je sais pas, les boutiques les plus près, si on veut chercher un endroit en particulier ou un point d'intérêt, à ce moment-là, je suggère l'application Maps de Google. La caméra frontale est de meilleure résolution. C'est une 720p supportant FaceTime HD. Et la caméra arrière aussi est de meilleure résolution que le iPad 2. Résolution 5 mégapixels. En plus des autres avancées là, au niveau des lentilles, le nombre de lentilles, la lentille cristal. Il y en a 5 au lieu de 4. Lentille pas cristal, mais... taillé à polémeraude ou rubis ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop, là, ça m'échappe, mais bref, la qualité d'image des photos est plus intéressante. Donc, si c'est quelque chose que vous cherchez à faire avec votre appareil, vous êtes mieux d'aller avec celui qui est 100$ plus cher. Ce qui est un peu déprimant, c'est le 100$ que ça coûte pour sauter de 16 à 32 à 64 à 128 maintenant, là, ils ont le 128. C'est un peu poche, mais je pense que c'est la même chose du côté de Microsoft, si j'ai bien vu. 899 pour le Surface Pro. Ah oui, oui. 64, puis 100$ de plus pour le 128. C'est sûr que tu as le double, là, fait que ça, c'est à peu près correct, 100$, là, mais c'est de 16 à 32. Ils te donnent 16 gigs de mémoire supplémentaire pour 100$. C'est cher, je trouve. C'est vrai que c'est un peu cher. c'était un peu cher. Ça revient cher du 100$, disons. T'sais. Effectivement. Je ne sais pas si pendant la prochaine mise à jour du iPad, ils vont enlever le 16 gig. D'après moi, c'est ce qu'ils vont faire. Puis, on l'a pas dit aussi, mais stabilité vidéo versus iPad 2, il y en a pas. Puis il y en a dans l'iPad, dans les iPad Retina. Tu veux dire quand on shake en prenant des vidéos là. Ouais, c'est ça. Ah oui. Puis détection de visage aussi. Oui. Puis la seule affaire, t'as dit 5 mégapixels pour la eyesight là, celle de derrière, c'est 1.2 pour la FaceTime. Okay. C'est de face. Mais elle est quand même mieux, compatible, ouais. C'est 120. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Quand on est allé au WAC la semaine passée, j'ai... je vais dire n'importe quoi, là, parce que je me souviens ni de son nom, ni du nom du produit. Mais on est en train de regarder pour peut-être faire l'essai de ce produit-là. C'est une housse spéciale qui rajoute... c'est une housse spéciale pour ceux qui veulent filmer avec un iPad. Et elle a des sabots. Donc, il y a deux sabots sur ce case-là, cet étui-là. Et les sabots, en fait, c'est des endroits où est-ce que tu peux clipper des accessoires, par exemple, une lumière LED pour filmer ou un micro-boom. Donc, elle est très bien faite. Au devant de la ça, il y a possibilité aussi d'avoir des adaptateurs pour mettre une lentille, par exemple une lentille grand angle ou une lentille de zoom, en fait. Et c'est intéressant parce que où est-ce que tu mets ta lentille, c'est un slider. Fait que si tu veux l'enlever, tu es en train de filmer, puis là, oups, tu as besoin de faire quelque chose, tu peux l'enlever, puis là, tu retombes avec la lentille normale du iPad. Fait que c'est bien, bien intéressant comme produit. Au lieu d'avoir l'air d'un gnochon, je vais vous apporter le nom pour le prochain podcast Mac Québec. Mm-hmm. Je veux dire, donc, il faudrait bien mettre le vidéo que tu as faite hein, sur YouTube. La joke. Oui, mais on attend, on va les avoir. Il y a quelqu'un qui est en train de se charger de ça. Puis dès qu'on va avoir, en fait, on a fait des interviews là-bas. On a interviewé... interviewé qui? J'oublie toujours son nom. C'est Josh Clark, le gars qui a fait la présentation le matin. Oui, le premier à 8h30. Oui. C'était bien, bien, bien intéressant, sa présentation. C'était comment on va utiliser en fait ces appareils-là dans le futur et comment en fait beaucoup, beaucoup les senseurs vont aider sur les appareils. On y pose beaucoup de questions. Ça va être plus intéressant, évidemment, l'entrevue que ce que je vous raconte brièvement là. Des sensors comme un gyroscope et tout? Il y a ça à l'intérieur de l'appareil. Lui, il parlait à plusieurs niveaux. Il commençait vraiment dans l'appareil, quelque chose de basique, les sensors qu'il y a déjà. Mais si tu regardes sur Kickstarter, par exemple, il commence à avoir beaucoup, beaucoup des senseurs externes. Par exemple, il y en a un qui a été financé, qui est un petit cylindre. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait dans Star Trek. Puis ouais, c'est un thermomètre laser que tu pointes vers quelqu'un, puis tu es capable de prendre sa température. C'est intéressant pour le corps médical, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui font l'inspection de bâtiments. Donc, tu as juste à passer ton petit laser, puis l'information s'accumule sur l'écran de ton téléphone. Puis là, tu vois où est-ce qu'il y a des entrées d'air, des trucs comme ça. Donc, c'est pas mal le fun. Dernièrement, en fait, j'ai vu un projet, je pense que c'est un senseur geiger, en tout cas, les ondes. Gégère, ouais, les ondes atomiques, en fait. Là, les radiations. Les radiations atomiques. Donc, bien, bien pratique dans un coin du Japon. Ben, c'est sorti, j'avais vu ça, en fait, je pense que c'était, peut-être je me trompe, mais à la sortie du iPad 2, je pense que ça venait d'arriver là, un mois avant. Puis c'était sorti déjà, il y avait une application en jailbreak par contre, où tu pouvais t'acheter un appareil au Japon, puis tu pouvais le brancher dans ton iPhone, puis justement avec l'application tu pouvais l'utiliser. Ouais. Pas mal. Puis il parlait d'un paquet d'autres phénomènes. En ce moment, on en voit beaucoup, beaucoup de ces senseurs-là, où en fait, ce que lui expliquait, surtout au niveau de la santé, puis pas de la santé là, médecine, mais de la santé, prendre soin de soi avec le Fuel Band de Nike, avec les autres, le Fitbit, les trucs comme ça. je peux te prendre 30 secondes? Ben oui. Parce que j'ai, je pense que je l'avais déjà dit, mais j'ai acheté une montre, la Sportwatch de Nike. Oui. Puis ça, c'est semblable à la Fio Band. Ouais. Par contre, la Fio Band, elle, tu dois comme mettre un peu l'activité que tu veux faire. Tu te mets un objectif, puis il te donne des points. Okay. Puis là, tu vois ta barre augmenter sur ton affaire. Ça, c'est plus GPS, c'est-à-dire que quand tu veux aller courir, ça enregistre vraiment ta course. Par contre, elle fonctionne pas très bien depuis ce temps-là. Depuis quelques jours, en fait. Là. OK. Des fois, je cours, puis des fois, elle tombe à zéro. Mon pacing tombe à zéro, donc je fais 0 km à l'heure ou je cours 0 minute par kilomètre, donc elle a brisé un petit peu. Il faudrait que tu communiques avec eux puis qu'ils te l'échangent, mais ouais, c'est ouais. En termes de qualité, c'est un peu je dirais pas jouet, mais Jawbone, qui est une compagnie qui fait des très bons écouteurs Bluetooth, a sorti un produit, une première version d'un bracelet dans le même genre que le Fuel Band, qui est, selon moi, pas très beau. Là. Je trouve le look du Fuel Band qui est je le trouve plutôt cool comme produit. Celui de Jawbone a l'air d'un peu de rien, mais c'est encore un podomètre qui est à l'intérieur, tout ça. Et ce produit-là, la première version était pas de bonne qualité. Ils ont été obligés de l'enlever du marché. Ils ont remboursé puis ils ont laissé le bracelet à tous ceux qui en avaient acheté un. Puis ils ont retravaillé, en fait, ils ont remis le produit sur la table puis ils ont retravaillé dessus pour le rendre plus fiable. T'allais dire, Vincent? Oui, le Fioban est beaucoup plus gros, par contre. Là. Oui, effectivement. C'est un gros bracelet, tandis que le Jawbone, c'est quelque chose de très petit. Là. C'est moins, je pense que c'est moins large même qu'un bar de montre. Il y a quelqu'un, Eric, dans la chatroom, qui nous parle de la iWatch. On a beaucoup de rumeurs qui proviennent de ce produit-là. On en a parlé dans les deux dernières semaines dans les différents podcasts, dans le podcast de Mac Québec. On cherchait en fait un killer app, une fonctionnalité vraiment intéressante parce que les reviews commencent à sortir un petit peu pour le Pebbles Watch, entre autres, qui commence à être livré. Walt Mossberg en a parlé un petit peu. Le produit est intéressant, mais il est comme pas hyper convaincu. Et que Apple, en fait, fasse une montre où est-ce que tu vas avoir ton centre de notification, est-ce que tu veux vraiment un objet de plus qui va sonner? Est-ce vraiment si important que ça que tu aies quelque chose sur toi qui va te dire « Hey, va sur ton téléphone cellulaire qui est dans ta poche. » Puis, le killer feature, selon moi, il y aurait deux choses, puis une de ces choses-là, en fait, c'est apparu sur Internet hier. La première, en fait, c'est le fait de faire un FaceTime à la Dick Tracy. Je pense que de pouvoir demander à la montre qu'il y aurait une petite caméra dessus, FaceTime Vincent, par exemple, et que ça t'appelle et que je puisse te regarder comme ça, un peu comme Dick Tracy ou Sophie, la nièce de l'inspecteur Gadget, pour ceux qui étaient nés. Ça serait cool. Vincent, tu peux le réécouter. Je pense qu'il joue à Télétoon Rétro. Si tu veux t'abonner. Écoute, je suis pas. C'est plate, c'est ça, je suis pas abonné. Ah. Et le deuxième, en fait, je sais pas si vous avez vu ça, Myo, hier, sortir sur les internets. C'est un bracelet, en fait, qui est porté ici. Sur le haut, en fait, du bras. Et lui, en fait, détecte les mouvements de muscles à l'intérieur de ton bras. Sous le linge? Je sais pas s'il faut que ce soit sur la peau. Le vidéo est sur Internet. Et c'est assez impressionnant, en fait. Le gars, à cause de ce bracelet-là, parce que eux autres, ce qu'ils disent, c'est le Leap Motion ou la Kinect ou d'autres trucs qui sont en train de sortir demandent d'être dans un... Tu sais, le Leap Motion, c'est une petite boîte qui fait comme une boîte virtuelle au-dessus. Puis cette boîte virtuelle-là, en fait, tes doigts dedans, tu peux écrire, c'est super précis, tout ça. Mais il faut que tu sois au-dessus de cet appareil-là. Alors que le bracelet, tu peux être n'importe où. Puis ça va vraiment aller avec ce qui sent de tes muscles en dessous. Donc, si la montre de Apple était capable de prendre ce concept-là, de faire ce qu'une Pebbles Watch fait, mais de faire aussi une montre FaceTime en plus du Myo, pense qu'il commencerait à avoir un killer, un produit assez, assez killer intéressant. Encore faut-il que le prix soit intéressant. Mais s'il y a ça dedans, tu sais, dans les premiers temps, quand on parlait du iWatch, on disait 150, pas plus. Mais ça, c'est pour une montre qui ferait juste les notifications. S'il y a la caméra FaceTime dedans, puis le MyO, j'irais jusqu'à 350-400 peut-être pour un produit comme ça. Oui, je fais pas la ligne, c'est sûr. Ouais, ouais. Ils disent tout ça. Tu dis ça, mais tu vas faire la ligne. Tu vas faire la ligne. Tu vas être le premier. Non. Moi, j'aime trop mon téléphone pour ça. Fait que... Mais puis en plus, il y a Siri aussi dessus. Ça va être. S'il y a FaceTime, j'espère qu'il va y avoir Siri dessus, là. Ben, tu sais, c'est tout un écosystème qui sont en train. Ouais, c'est ça. Ils vont l'annoncer, ils vont dire on la vend 200$ et Jean-François va faire 200$! Ah! Take a number! Take a number! Je viens de faire péter les aiguilles. Mais. Mon aiguille de vie! Mais sérieusement, j'ai quand même de la misère. C'est sûr que. En fait, je pense pas que ce soit un marché grand public, la montre. C'est ça l'affaire. Il y a personne qui va s'acheter une montre pour son téléphone. Tu sais, Nike est pas en train de dire on a vendu des pelletés, des montres comme Vincent a acheté. Puis Vincent, ben, c'est vraiment parce qu'il fait de l'exercice physique. Donc, il y a comme trop de il y a trop de si d'impliquer, là, comme si ça fait ça, puis si ça fait ça, puis si. C'est pas un marché qui semble intéressant. C'est un marché de niche. Puis Apple, en fait, l'a montré durant les dernières années. Puis ils s'en vont pas vers des marchés comme ça. Ils s'en vont vers des marchés larges. Donc, où est-ce qu'il y a de la marge à faire, tout ça. Mm. Ou espérons qu'ils vont comme encore une fois, créer un autre besoin, en fait. T'sais, quand l'iPhone est arrivé, oui, il y avait des téléphones, mais pas comme l'iPhone. Exactement. L'iPad, la tablette, ça existait, mais pas comme l'iPad. Fait que si ça peut vraiment apporter, bon, la montre, ça fait quand même une couple d'années que ça existe, là. Si ça peut. Une couple d'années, là, à peine. OK? Dans le dernier siècle, là. Même pas, ouais. Là, tu sais. 1800, là, c'était en Angleterre, en tout cas. Peu importe. Mais si ça peut révolutionner un peu puis apporter de la technologie à ça, parce que ça a toujours resté à peu près les mêmes choses avec des aiguilles puis une batterie, là. Fait que espérons. Bernard nous apporte un point. Il dit oui, mais la montre va avoir une télécommande dedans. Je pense que c'est un patent qu'Apple a sorti ce mois-ci. Puis en fait, c'est que des appareils en fait qui vont réagir en fonction de l'endroit puis de ce que tu es en train de faire, tu sais, par exemple là, tous tes systèmes qui ne captent plus ou qui se ferment si tu es au cinéma ou si tu approches de ton ordinateur, ça fait quelque chose. Donc ça pourrait être intéressant, mais Apple, je pense, veulent révolutionner, veulent aller plus loin que ça. La maudite télécommande, c'est pas intéressant. C'est des pitons, c'est de base. T'sais, si on va plus loin que ça en y réfléchissant, moi, je veux pas une télécommande. Je veux que ma montre serve, par exemple, d'un micro pour contrôler ma télévision ou mon Apple TV. Donc, tu sais, on parlait de mettre Siri dedans. Ben, si le micro est sur le Apple TV, la problématique, c'est que ça va prendre, comme je le dis assez souvent, ça va prendre beaucoup de bruit ambiant. Puis on s'en rend compte, là, quand on fait des podcasts, faut parler proche du micro pour qu'ils nous entendent bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'Apple a mis le micro maintenant directement sur le fil qui est à côté de nous. C'est pour que le micro prenne mieux le son. Donc moi, le matin, si je me réveille, j'ai une montre, ben ma montre peut me servir de télécommande pour ma télé en disant ben ouvre au 4, montre-moi la météo, envoie un message à telle personne. Puis bon, la télévision sert un peu là, de HUD, là, de où est-ce que je vois toutes mes nouvelles puis tout ça là. Donc mais j'y parle, donc ça serait l'interface avec cette télé là. Mais ouais, c'est ça, on tweet à Salut Bonjour puis à François Chagnon qu'on salue. Voilà. Donc, il y a différentes idées pour ça. Puis bon, tu sais, il y a le bracelet dont je viens de vous parler. Il y a les Google Glass aussi qui commencent à être de plus en plus répandus. On sait qu'il y a du monde de Google qui commence à se promener avec. D'ailleurs, aux Oscars, il me semble que le monde de Google faisait leur fraîchier avec leurs lunettes puis tout ça. Tu vas donner 1500$ pour les essayer. Développement, moi, ben, 1500$, c'est parce qu'ils en ont fabriqué peu et ils n'ont pas encore la fabrication de masse. C'est la version développeur. Moi, d'après moi, là, ils essayent d'aller vers le 400 ou 500$ quand ils vont sortir ce produit-là. Puis c'est drôle, j'étais au stream, je pense que c'est vendredi ou samedi passé. Avec Crapule, avec Yann. Puis eux autres, ils étaient en train d'en parler. Puis je suis arrivé, puis bon, on déconnait un peu, là. Dan Delorme, il disait, écoute, la première affaire qu'il va avoir avec ça, c'est du sexe point de vue, là. C'est-à-dire, tu sais, comme t'as la lunette d'en face. Hey, tellement, je suis sûr que ça... Ouais, c'est ça. Puis ce qui risque d'arriver aussi, c'est qu'à un moment donné, il va avoir un meurtre point of view avec les lunettes. Ouais. Je pense qu'on... Prochain Magnota, là, c'est avec ça qui va arriver. Là. Donc, ouais, parce que là, tu peux filmer comme... T'sais, en ayant les mains libres, là, si je peux dire. Voilà. Puis, ben oui, tu peux faire plein d'affaires, tu peux faire des tutoriels, ce serait vraiment pratique. Mais c'est ça peut aller aussi dans le gore. Mais ça peut être intéressant pour un paquet d'applications touristiques, des trucs comme ça. La présentation qu'il avait fait avec le monde qui se pitchait en ballon, c'était vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai. Moi, le bout le plus intéressant, en fait, c'était il se branchait sur les lunettes de différents gars de X-Sport, de X-Game. Puis le dernier, en fait, c'est un gars qui était en BMX et qui rentrait dans le centre où est-ce qu'il faisait la présentation. Je pense même que c'était au Moscone Center. Et il passait là entre le monde, mais tu sais, t'étais là, puis il va en accrocher un, il est fou. Puis il évitait tout le monde, il était malade. Puis là, à un moment donné, il arrive au bout, puis il monte les escaliers, tout ça. Là, donc, voilà. Mais comme Eric sur le chat nous dit, on porte les trois ici, on porte des lunettes, puis ouais. Lui ne pourrait pas les utiliser. Ben moi, je suis pas supposé porter des lunettes, là. C'est juste pour corriger mon strabisme que j'ai. Mais okay. Je veux dire, c'est sûr qu'ils vont, tiens, je veux dire, parce que sinon, il va falloir les enlever nos lunettes, là. Comment qu'on peut pas les mettre par-dessus nos. Ben peut-être qu'ils vont vendre comme le système que tu vas glisser tes propres lunettes dedans parce que c'est pas très très encombrant en fait puis évidemment ils travaillent avec des nouveaux matériaux pour essayer de l'alléger le plus possible puis ils l'ont déjà dit mais c'est plus léger que beaucoup de paires de lunettes fait que peut-être qu'ils vont faire comme une espèce de truc dans lequel tu glisses tes propres lunettes puis là le petit HUD, là, le petit écran là, que tu es supposé avoir avant toi, ben, elle va être corrigée par tes lunettes. Oui, mais là, c'est ça. Il doit avoir, par exemple, il faut qu'il y ait le processing de l'image aussi. L'appareil, dans les lunettes, il y a l'appareil pour l'espèce de processeur pour recevoir l'information et tout. Là. Fait que c'est peut-être un peu dur à rajouter sur des lunettes. Là. Moi, des lunettes comme ça, je peux pas remettre des Google dessus. Là. C'est impossible. Mm-hmm. L'autre chose aussi, c'est que, et Bernard doit s'en occuper, éventuellement, en fait, probablement que les technologies de laser vont être assez abordables, en fait, que les gens vont tous se corriger les yeux au laser puis que les lunettes, tu sais. Je suis pas sûr, moi, que demain matin, peut-être, je mettrais tout mon argent dans une compagnie de lunettes. Fara, là, tu sais. En tout cas, j'imagine que la technologie, mais c'est sûr que le laser ne règle pas tous les problèmes de vision, mais il en règle quand même beaucoup assez pour faire descendre, en fait, les profits de cette industrie-là. Bon, ben, sur ce, il est 10h15. C'est assez, hein? Oui. Ouais. On a assez parlé la semaine passée, fait que... Voilà, ben ça fait deux semaines qu'on fait des podcasts en ligne. On l'a fait le WAC la semaine passée. Le prochain va être le 13 et en fait, on a eu une offre de se faire coacher un peu pour le son. Vous en rendez bien compte qu'on a des petits problèmes. Donc, il y a quelqu'un qui va venir nous rencontrer. Si ça lui tente, en fait, il est en ligne puis il ne le sait pas encore. Là. Mais non, il n'est plus en ligne. Mais dans deux semaines, le 13, on devrait faire un podcast Mac Québec et un amateur de Mac Bonsoir. Et on va avoir un petit coaching de son. On va être dans la même pièce tout pour ensemble. Une fois. Oui, voilà. Et ouais. On, ben, on va checker. On le fait où, des là? Fois, là. Mais... Oui, c'est ça. On va essayer de se trouver un endroit. Oui. En direct, en de, direct choc. De choc. Cool. Ça serait drôle. On pourrait, mais il n'y a personne là à cette heure-là. Non, c'est ça. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets, monsieur Jean-François? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, @JFroy1979. Facebook, j'ajoute juste les personnes, j'ai souvent une couple de demandes, j'ajoute juste vraiment les personnes avec qui j'ai côtoyé pour en vrai, parce que okay. c'est par principe, là, j'ajoute pas tout le monde. Alors, c'est ça, plus sur Twitter que je suis, fait que mon clout me dit que je suis à 75% de Twitter, fait que on va essayer de maintenir ça, tu sais. Excellent. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter @DEVVMiller. Moi aussi, je suis plus sur Twitter que sur Facebook, mais je reçois. Puis ben, c'est pareil que JF, là, je garde mon Facebook plus privé pour des amis ou du monde que j'ai déjà rencontré au moins une fois. Voilà. Donc c'est ça. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter au Alex Cornelier. Cornelier avec deux L. Si vous m'avez cherché, vous m'avez pas trouvé. Vous pouvez me trouver aussi sur mon site web alexiscornelier.com où il se passe absolument rien. Vous pouvez me trouver sur ma page alexiscornelier.com sur Facebook. Où est-ce que de temps en temps, en fait, les articles que j'écris sur Mac Québec sont renvoyés, les podcasts aussi. Et sinon, ben c'est pas mal là que vous pouvez me trouver. Ouais. Voilà. On fait beaucoup de. Sur le site de Mac Québec aussi, dans la section service, si vous avez besoin de quelqu'un qui vient chez vous pour vous aider avec votre ordinateur ou votre setup, je suis disponible. Bon, Jeff? Non, rien. Excellent. Donc, on vous dit à dans deux semaines. Merci tout le monde d'avoir été à là. À la proxima. Puis, à la proxima. Bye bye. Bye, bonne soirée, là. Ah oui, je voulais dire avant de partir. We'll be right back.